micro ouvert. Ben, j'ai vraiment fait le confinement sérieusement. Hein. Ça fait quoi, 4e semaine que c'est le confinement. Du coup, ben, voilà, par le lien, par les biais des liens, je me retrouve avec une bande de confinés qui est d'accord de bien vouloir échanger avec moi. Ça, je trouve déjà génial. Mais bon, ils sont aussi confinés depuis 4 semaines. Et donc, voilà, on se dit qu'on est, on n'est pas malade, quoi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est malade d'être confiné comme ça, par contre. Tu dis ? Je dis que c'est un peu malade d'être confiné comme ça, par contre. On n'est pas malade jusque-là, mais c'est fou, quoi. Oui, d'être confiné, quoi. D'être en mode entre soi, c'est ça ? D'être entre soi, et ça a un côté un peu surréaliste. Au début du confinement, enfin, quand je prenais le train, par exemple, on entendait des annonces de la SNCF qui parlaient des mesures de précaution à prendre dans les transports en commun ou ce genre de trucs. Et j'avais vraiment l'impression d'être dans un film de science-fiction, quoi, avec mon fils sur le quai de la gare. C'est mon premier sentiment. Ça a vraiment été quelque chose de... Ça me faisait penser à quelque chose de surnaturel, quoi. Où j'avais vraiment l'impression d'être dans un roman... de SF. Après, ici, on a la chance d'être un peu éloigné, dégagé de la pression ambiante. Et donc, moi, aujourd'hui, je l'oublie la plupart du temps. Mais... Oui, tu oublies que y a le confinement, tu oublies... c'est ça ? Comme on peut se dégager de cette pression, j'ai passé les 3 premières semaines à voir ça plutôt comme une aubaine, de passer plus de temps avec mes potes, de pouvoir mettre en pratique des choses qui étaient sur papier ou dans nos têtes depuis longtemps. Et puis après, cette période a été suivie de maintenant quelque chose qui est plus... Un sentiment plus d'anxiété, quoi, parce que comme il y a eu le report du confinement plusieurs fois, je me demande combien de temps ça peut durer, ou à quoi ça profite, ou à quoi ça ne profite pas. Je sais comment moi je le vis, mais finalement ce qui est le plus stressant, c'est de ne pas savoir comment les autres le vivent. J'ai perdu le fil, quels autres ? Là, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Les autres terriens ? Comment les autres vivent leur confinement, ouais, parce que nous ici on a la chance de le vivre assez bien, et moi je me demande qu'est-ce qui peut, quand je constate qu'il gangrène dans ma tête, je me demande qu'est-ce qui peut gangréner dans la tête des autres, et ça c'est quelque chose qui devient angoissant au fil du temps, quoi. Ah oui, on va ouvrir le débat, hein, mais c'est intriguant. Qu'est-ce qui pourrait gangréner dans la tête des autres? Je sais pas, je me dis que l'isolement, c'est pas quelque chose de facile à vivre. Nous, on a la chance d'être isolés en groupe avec des gens qu'on aime. Et du coup, on le voit plutôt comme une chance. Mais quelqu'un qui est confiné tout seul chez lui face à ses idées, à son ennui, je dis pas que c'est mal de s'ennuyer. Hein. Je pense que c'est très formateur, l'ennui. C'est indispensable, et peut-être qu'on n'a pas assez l'occasion de le faire dans la vie de tous les jours. Mais je me dis que ça pourrait faire gangréner des peurs ou des idées qui sont un peu détachées de la réalité à force, quoi. Ok, je comprends bien ce que tu veux dire. Et donc là, je me retrouve en face de... Donc j'ai dit une bande de confinés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 avec le chien. Et on a décidé que ça restait anonyme, voilà. C'est une bande qui habite dans la région de Namur. Quelqu'un a parlé ? De Namur. Voilà. Donc là, on avait oublié de faire un petit peu cette présentation-là, mais on continue alors. Hein, donc il y a toi qui viens de parler. Est-ce que je peux dire ton prénom ? Ou tu préfères pas ? Sarah ? Donc voilà, qu'est-ce que... Ça fait quoi d'être confinée ? Ah, je voulais répondre à la question. En fait, moi, je voulais parler aussi du côté assez soudain de la nouvelle. Donc on a appris qu'on était confinés et on devait rester chez soi. Et voilà, ça commence. Maintenant, tout le monde doit rester bien sage à la maison. Et je pense que ça fait partie un peu d'un sentiment que nous avons bien vécu jusque-là. Nous, vous ici? Oui. Ou bien nous, les gens? Quand je parle de nous, je parle de tous mes amis avec qui je vis ici. Et à la fois, comme Sarah, moi, je m'inquiète de comment ça a été vécu par d'autres personnes. Et maintenant, après ce sentiment, parce qu'au tout début, j'ai vraiment eu ça, cette idée de « Ah oui, c'est bien, je dois être une responsable citoyenne et je ne dois pas remettre en question. » Et c'est bon pour tous de rester bloqué chez soi et sagement prendre des précautions. Maintenant, doucement, je questionne un petit peu ce confinement. Le temps qu'il peut durer, le bienfait de ce confinement, carrément. Je me rends bien compte que tout le monde n'est pas de mon avis. Mais oui, je me questionne parce que il s'agit d'un virus et en fait, il sera peut-être toujours là, ce virus. Donc, est-ce qu'on fait vraiment bien de rester comme ça? Et puis... Et puis moi, ce qui m'embête fort, c'est tout ce qui se passe autour de nous au même moment. En fait, je pense pouvoir parler au nom de tout le monde ici. On est assez touchés par la mise en place de la 5G qui a pris d'un coup, d'un seul, sans consultation finalement. Oui, c'est assez inquiétant. Si la 5G émerge sans l'avis du peuple, et puis quoi d'autre, en fait? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Très très très bonne question. En fait, justement, puisque je trouve qu'on a été très très docile et qu'on pensait tous bien faire et que peut-être il y a beaucoup de gens autour pensent bien faire de rester bloqués chez soi, cette docilité me fait un peu peur. Quand je dis quoi d'autre, c'est... Je sais pas, en fait. J'ai aucune idée en tête, mais j'ai une sorte de méfiance qui commence à naître. Donc à la fois, j'ai cette chance de pouvoir profiter de plus de temps grâce à ce confinement et de me retrouver moi, avec moi-même, avec plus de temps et aussi plus de temps à offrir à mon groupe d'amis avec qui je vis. Et en même temps, ce temps d'arrêt et de réflexion m'amène aussi à un temps d'observation de la gouvernance et de quel pouvoir pourrait naître et de quelles envies du pouvoir pourrait naître même. Je sais pas, si on n'est pas consulté pour un truc comme le 5G, qu'est-ce qui pourrait encore être là, voilà. Donc j'ai à la fois vraiment cette grande amusement de pouvoir avoir du temps, et en même temps cette angoisse écologique et gouvernementale qui est là. Tu t'appelles? Tu as envie de... Je m'appelle Camille, oui. Toi? Quoi, moi? Tu t'appelles Clément? Moi, je m'appelle Anaïde. Ça va, Anaïde? Ouais, ça va. Mais tu veux pas me poser une question? Bah c'est la même chose. Tiens, le confinement est tombé. Bam! Ça t'a fait quoi? Comment t'as... Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de ton être? Eh bah, je préfère quand même dire une question. Moi, j'aime bien. Quand le confinement il est arrivé... J'étais un peu tout étrange comme ça, mais c'est quoi ces histoires? Et puis je me suis dit que... Enfin, mon intuition me disait d'être plus vigilante par rapport à ce qui se passait derrière. Parce que toute forme de pouvoir passe par un état émotionnel de choc ou autre. Et je me suis dit, ok, c'est quand même pas mal choquant ce truc, donc va falloir faire attention à ce qui peut se passer derrière. Mais quel truc exactement? Le nommer un peu, parce que... De manière générale, on est soi-disant dans un état dit... démocratique, et on ne l'est absolument pas. On est dans un état de représentation des classes élitistes et bourgeoises, merde, je me suis perdue. Du coup, quoi? La question, c'était de dire c'est quoi ce truc, parce que tu dis... De quoi on parle, en fait? Bah oui, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'on doit tous rester enfermés chez soi? Pourquoi est-ce que tout le monde est docile et écoute bien ce truc-là. Non, en fait, je suis un peu perdue, je crois. Non, okay. Non. Toi moi, tu as envie de dire quelque chose? Alors, moi, ma première réaction, enfin, ma première, je sais pas, mais en tout cas, face à la nouvelle et quand on a été un peu confronté à ça, d'être confiné, j'ai commencé à ressentir en moi une petite excitation plutôt, en fait, quelque chose de waouh, il va se passer quelque chose peut-être, qu'est-ce que ça va pouvoir donner? Et du coup, pendant une longue période, quand même, j'ai gardé un peu cet état plutôt ouais, positif et. Excitant, quoi, excité. Oui, parce que, allez, dans ma vie, je veux dire, ça m'est jamais arrivé, du coup, une situation comme ça, et ben pour nous tous, en tout cas, ici. Et du coup, c'était un peu la porte ouverte pour moi à quelque chose de nouveau qui pouvait émerger. Et, ouais, j'ai vraiment senti les premières semaines quelque chose, je sais pas comment expliquer, mais vraiment dans l'air, quand je sortais dehors, je me disais, waouh, c'était comme si, pour moi, la terre était suspendue et que il n'y avait plus de mouvement alors qu'au fond, rien n'avait changé autour de moi parce que j'étais au même endroit avec les mêmes gens. Mais je chantais vraiment comme cette pause générale partout. Et ça me faisait vraiment du bien. Et en même temps, je trouvais ça bizarre, mais du coup, ouais, excitant. Et du coup, ouais, je pense que je continue quand même à voir le confinement avec un bon œil, même si parfois, c'est vrai, c'est frustrant. Parfois, là, on était dans un processus d'accueillir des nouvelles personnes qu'on a dû mettre en pause. Il y a des choses qui sont frustrantes. Ici, dans votre lieu, à plusieurs, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, dans l'endroit où on vit, dans la communauté où on vit à plusieurs, on voulait accueillir des nouvelles personnes. Et donc, on a mis ça en pause pour le confinement. Et ça, parfois, c'est vrai que c'était frustrant. Enfin, ça l'est encore parfois. Mais en même temps, voilà, ça a ce côté-là d'être un peu connecté au présent. Par exemple, moi, je devais partir en Suède en juin pendant plusieurs mois. Mais là, je ne sais pas si ça va se faire. Et en même temps, je trouve ça assez intéressant d'aborder notre avenir en n'étant pas sûr, en fait, alors que d'habitude, on prévoit souvent fort à l'avance. On se dit, on va faire des vacances ou on va partir ou voilà, que sais-je. Mais là, non, en fait, à chaque fois, on doit se dire, on ne sait pas. Peut-être que oui, peut-être que non. On va voir ce qui se passe. Et du coup, je suis plus connectée avec ça, de juste voir ce qui va arriver. Et pour moi, c'est plutôt chouette. Quand je me suis dit que le confinement allait cesser le 19 avril, au début, il y a une partie de moi qui était un peu là, oh merde. En fait, non, j'ai pas envie que ça s'arrête parce qu'il y a plein de choses que je trouve belles ou que je peux imaginer. Mais c'est vrai que je suis pas dans la tête des autres personnes qui vivent seules. Et je sais pas trop qu'est-ce que ça va donner de ce côté-là. Oui, et en ville aussi, parce qu'on oublie de le souligner, mais vous êtes dans un cadre super chouette, hein. Oui, oui, je pense quand même, parfois à des gens qui sont en appart dans une ville, ça doit être quand même difficile. Et en même temps, je me dis que peut-être c'est une occasion pour eux de se dire, waouh, peut-être c'est pas ça que j'ai envie comme vie. Et peut-être qu'ils pourront aussi, je l'espère, après ce confinement, trouver peut-être des choses qui puissent les épanouir en dehors de la ville, justement. Parce qu'on se rend compte vite quand on est coincé dans un appart, en fait, un ordi, une télé, on a vite fait le tour. Au final, c'est pas, peut-être pas ça la vie qu'on a envie de rêver, quoi. C'est sûr, mais il y en a qui ont... Après, c'est un long débat, on pourra en discuter. Hein, mais après, c'est pas forcément une question de choix. Tout le monde n'a pas forcément les mêmes chances au même endroit. Tu vois ce que je veux dire? Il suffit pas de dire, oh, tiens, moi, je vais changer de vie. Il suffit pas, mais en même temps, ça commence par là, je pense. Si on peut pouvoir... peut-être au début c'est difficile ou c'est confrontant d'être entre ces deux choses intérieures de « waouh, tout ce que j'ai envie » et au final mes capacités ou tout ce que je peux faire dans la vie ou qu'est-ce que la société me donne ou quelles sont mes opportunités. Non, mais tu comprends, je veux dire, j'imagine une personne qui a son job, qui n'a pas le même univers que le mien déjà. Il faut déjà s'imaginer qu'on n'est pas tous faits de la même manière, on pense pas tous de la même manière. Je sais pas, qu'il y a trois mouflets, qu'il est avec sa femme, il vit dans son appart. Il suffit pas de dire, j'ai envie de changer de vie. Évidemment que les gens, ils souhaiteraient vivre dans une chouette maison avec un grand jardin. Vous voyez ce que je veux dire? J'ouvre la discussion. Mais c'est pas obligé de rester calé là-dessus. Hein. Je veux dire, moi, j'avais juste envie de dire ça parce que je réagis à ce que tu dis. Il suffit de... Ils vont peut-être se rendre compte qu'il faut changer de vie, mais je crois que c'est pas si simple que ça. Sinon, tout le monde chercherait le bonheur, quoi, et le trouverait. Je ne dis pas qu'il faut changer de vie, parce que si ça convient, je ne dis pas que tout le monde devrait vivre comme ici, par exemple. Je pense que ce n'est pas obligé de convenir à tout le monde. Mais juste que c'est un moment où on peut se dire, tiens, en fait, ouais, qu'est-ce que je peux rêver ? Et rêver, ça fait toujours du bien, même si parfois c'est confrontant. Mais d'avoir de l'espoir, en tout cas, je pense que ça peut être que positif pour moi. Voilà. Comment tu t'appelles ? Isaline. Isaline. Sarah ? Mais pour revenir un peu au corona et pour faire un pont avec ce que Isaline a dit juste avant, il y a quand même quelques avis, pour pas parler d'études parce que je suis pas assez renseignée, qui disent que ce coronavirus découle quand même de certains de nos actes, des actes qui sont posés à grande échelle par tous. Il y a un dérèglement climatique, il y a différentes choses qui font naître des virus auxquels on n'est pas préparé. Enfin, c'est une nouvelle manifestation du désordre ambiant qui est le fonctionnement du vivant finalement. Enfin, donc c'est une nouvelle réaction du vivant à nos réactions et à nos actes à tous posés chaque jour. Donc peut-être que la vie qu'on mène ou qu'on essaye de mener ici ne convient pas à tous, mais peut-être que c'est quand même l'occasion de se poser la question, à savoir est-ce que les actes que je pose chaque jour, quelles sont leurs incidences sur le vivant justement. Et c'est vrai que c'est pas à la portée directe de chacun. Nous, on a un peu le cul dans le beurre parce qu'on est tombé sur cet endroit, parce que chacun, on a des moyens qui nous permettent de vivre la vie qu'on mène. Mais si un jour on veut changer de vie, il est aussi question de remettre en question son confort ou ce qu'on croit être son confort et ce qu'on prend pour ses besoins, qui peut-être en fait sont des envies déguisées en besoins à force d'habitude. Il y a cette question-là qui pourrait être abordée longuement aussi, mais qui, je pense, mérite au moins d'être pointée. J'ai bien compris ce que tu disais. C'est qu'au fond, ce corona, il pousse à se poser des questions sur notre manière de vivre, quoi, en gros. Ouais, parce que c'est surtout en réaction à ce que toi tu disais. Enfin, tu prends le tableau type du mec qui a son boulot en plein Bruxelles, disons, avec sa femme et ses trois gosses. C'est sûr que du jour au lendemain, ça lui semble inconcevable de s'installer au milieu des bois dans une cabane. Il a peut-être pas envie déjà. Hein. Dans le cas où il aurait envie, et crois-moi, j'en ai rencontré, ça peut lui sembler inconcevable. Et en fait. Ça peut lui sembler inconcevable d'aller habiter dans la forêt ? Ça peut lui sembler inconcevable dans le sens où quand tu ne dépends que de toi et que toi ne dépends que de toi, alors c'est facile de s'asseoir sur ses besoins. Quand tu dois prendre soin des autres, quand tu dois prendre soin de ta famille, c'est plus difficile de pouvoir renoncer à un certain confort ou à une certaine forme d'habitude. Mais ça dépend, tu sais, il faudrait définir c'est quoi le confort, quoi. Tu vois ? Le confort, c'est d'avoir une température constante à toute heure, c'est d'avoir le frigo rempli, c'est d'avoir des vêtements qui sentent bon, c'est de pouvoir se divertir avec une chose ou l'autre, de se divertir en tout cas avec les choses dont on a l'habitude de se divertir. Comme quoi, par exemple ? Comme une exposition, une séance de cinéma, un livre qui est lu et puis abandonné et on a envie d'en lire un autre, alors on court à la librairie du coin pour en acheter un autre. Pour pas parler d'électronique, quoi, pour pas parler de télé, de smartphone ou de connexion internet. Enfin, la ville apporte quand même un certain confort où tout est accueilli et tout est proche. Et ça demande une grosse remise en question, pour moi déjà, d'avoir quitté la ville et de vivre aujourd'hui à la campagne, d'arriver à se divertir d'autres choses ou de se satisfaire d'autres choses. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que quand tu n'as que toi à gérer, c'est quelque chose de plus envisageable, même si déjà c'est une démarche compliquée. Mais effectivement, quand tu as trois enfants et une femme qui n'est pas forcément du même avis que toi, ou qui n'a pas forcément la même envie, ou qui n'identifie pas son besoin de la même manière, parce que je pense qu'on a tous des envies différentes, mais on a quand même tous les mêmes besoins, alors ça devient très compliqué à mettre en place, quoi. Quelqu'un a envie de réagir ? J'ai en fait justement l'impression que un des côtés positifs de cette de ce confinement, de ce temps, c'est qu'on est tous occupés à ressentir qu'on est en pleine mutation. J'espère en fait mutation qui j'espère qu'elle soit positive, mais qui est donc existentielle comme on en parlait. Parce que chacun se remet en question finalement, de quoi j'ai vraiment envie, parce que comme disait Isaline, on a besoin de savoir ce qu'on veut, c'est la première des choses pour savoir vers où on veut aller pour une meilleure vie. Donc une mutation qui soit existentielle, je crois qu'il va y avoir une mutation clairement économique, une mutation politique aussi, et puis alors une mutation aussi en lien à la nature, à notre soin à la terre et donc à notre soin à nous-mêmes, à notre nature, donc à notre santé aussi. Je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent être remises en question. Et si tout ça est remis en question de la même façon, ou en tout cas va dans un sens où les choses se rejoignent, on aurait un accès plus simple à ce qu'on souhaite vraiment. Cette personne qui est à Bruxelles, qui rêve d'une vie ailleurs, pourrait plus facilement avoir cette vie ailleurs parce que le système global, de la façon dont on interagit, la façon dont on prend soin de notre environnement, tout ça, si c'est rééquilibré, tout ça se mettra mieux en place, il me semble. Mais oui, mais rentrons un peu dans le vif du sujet, c'est donc que ça fait comme si c'était des concepts. Exactement. Ou des préceptes. Mais quoi, tu veux dire qu'avec le corona, on va repenser la santé, on va repenser la politique, très bien, mais quoi, de quelle façon ? Positive, ça veut dire qu'on... Quoi ? Qu'est-ce que c'est la négative ? Rentrons un peu dans le vif du sujet, parce que tu comprends ? Oui, bien sûr, je comprends très très bien. Oui, et qu'est-ce que serait une façon positive ? Toi, tu vois les choses plutôt positives, quoi, par rapport à tout ce qui se passe. En fait, je les espère positives. En vérité, au fond de moi, non, je tremble d'anxiété. C'est vrai ? Ah oui, oui. Mais tu bois, tu fumes, tu te drogues un peu pour pour évacuer le stress. Non, je rêve surtout. Moi, c'est le rêve qui vient remplacer à la place, qui vient se mettre dessus. Et d'ailleurs, mon rêve serait en fait justement qu'il y ait moins, que le système soit beaucoup moins hiérarchisé et donc notre y compris la façon dont on interagit, dont on agit avec la terre, tout ce côté de l'exploitation, autant une exploitation humaine qu'une exploitation de notre terre, de qu'est-ce qu'on fait des forêts, des champs, qu'est-ce qu'on mange en fait, d'où ça vient, qu'est-ce qu'on... Je ne sais même pas en parler, c'est tellement énorme et ça me... Si je comprends bien, de toute façon, une alternative, il y a. Je veux dire, maintenant c'est bon, je veux dire, en 2019, il y a déjà eu plein de gens qui se sont bagarrés pour montrer qu'un autre monde était possible. Enfin, il y a des bouquins entiers, il y a même aujourd'hui aussi des gens qui font des potagers, il y en a plein. Enfin, j'ai perdu mon fil. Mais comment est-ce que tu voyais, toi, avec ce qui se passe, tu as l'air de dire que tu souhaites, donc tu rêves que, ça, qu'en fait, que tout ça prenne de l'ampleur, quoi. Ouais, c'est ça ? Tout à fait. Et en effet, on est hyper, on a plein de renseignements, il y a plein de gens qui crient ça depuis des années, qui nous donnent des indices de comment on pourrait vivre autrement. Et pour moi, comment on pourrait vivre autrement, c'est arrêter tous les énormes élevages, les énormes industries. C'est en fait revenir à quelque chose de beaucoup plus simple et beaucoup plus petit. Quoi, mais tu crois que... Parce que ce que je dis, hein, oui, mais évidemment qu'on... Enfin, comment dire ? Si on doit rentrer dans tous les détails de la vie, évidemment que ça peut être plus coopératif que les poulaillers, grosses méga machines. Enfin voilà, il y a plein d'alternatives, vraiment. Mais toi, tu crois que c'est possible avec ce Covid-19, ce corona, ce confinement? Tu crois qu'un autre monde est possible comme ça, en claquant des doigts? Non, bien sûr. Ça va se faire. Que le gouvernement, que le monde a compris que ça suffisait maintenant. Il faut changer de système. Tu crois ça? Non, mais c'est, il n'y a pas de problème, hein, chacun... Mais je ne crois pas en ça, j'ai envie de d'inspirer ça, j'ai envie que les gens puissent profiter de ce moment pour penser à ça, en fait, pour se dire, tiens, il y a besoin d'une mutation. Et c'est un moment où on sent la crise, et après une crise, il y a des choses qui pourraient naître. Et comment elles vont naître, je ne sais pas encore comment ça peut arriver, mais en fait, chacun... pourrait, j'espère, se saisir un peu de responsabilité et se dire, mais il y a un truc qui ne va pas là, qu'est-ce que je vais faire, moi, à ma petite échelle. Mais ça circule sur le net, hein. Ça circule via les médias pour dire tiens, avec ce corona, tiens, signez cette pétition, on veut changer le monde, on ne veut plus reprendre la méga machine. Voilà. Et justement, je trouve que le fait qu'on ait ce temps-là nous permet de mettre des choses en place qu'on ne faisait pas avant. Je ne sais pas, par exemple, je vois de plus en plus de gens qui font leur pain. Où ça, tu le vois, puisque tu es en confinement? Tu vois ça sur la. À la télé, tu vois ça? Non, je vois ça des gens autour de moi. Ici. Mais où? Mais t'es en confinement. Ma mère. Oui, voilà, non, mais. Non, mais soyons concrets. Elle fait plutôt la couture, mais. Hey, elle voulait faire la couture depuis des années. Hein. Elle adore ça, la couture. Et bien là, elle s'est mise. Je pense que, ouais, avant, on était dans une course frénétique pour. Je sais pas, aller acheter du pain à la boulangerie, et puis après tu vas à ton boulot, et puis bah là t'as plus de boulot, tu fais ton pain à la boulangerie, enfin tu fais ton pain toi-même. Et donc ça nous. Et en fait, c'est hyper agréable d'avoir le temps. T'as pas le temps avant le confinement, t'as pas de temps? Non! Ah, mais je sais pas! Hein. Moi, je veux. Justement, ça te laisse le temps de réfléchir à tout ça. Qu'est-ce que je fais dans ma vie en fait? Où est-ce que je suis? Pourquoi est-ce que je suis obligée d'être tout le temps dans les bars? Pourquoi est-ce que je suis toujours obligée tout le temps dans les bars? Tu picoles, t'es une alcoolique? Peut-être. Et donc c'est hyper intéressant de faire cette pause dans le temps. Et je pense par exemple aux retraites méditatives où justement t'as ce temps-là pour toi. Et en fait là maintenant on l'a. Ouais, par exemple, je suis partie d'un groupe qui s'appelle Extinction Rebellion, et là on prend vraiment le temps de réfléchir à une action qui va appeler à la révolte, un changement de paradigme et à une révolution, parce que il faut que ça change. Et donc là, ça nous laisse le temps derrière pour préparer une action. Et moi, je l'aime bien ce temps. Pourquoi tu dis attention? Parce qu'elle dit que XT a le temps de réfléchir à une prochaine action. Et c'était un peu une forme d'encouragement. Okay. Mais ouais, par exemple, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, par rapport à notre politique d'aujourd'hui, et je me suis un peu perdue tout à l'heure, mais c'est que par exemple la ministre Wilmès a expliqué que en fait les climatologues et les chercheurs avaient prédit ces épidémies et ces catastrophes naturelles humaines dues au dérèglement climatique, et qu'en fait elle a bien dit dans son discours qu'ils n'avaient rien fait. Et donc ils n'avaient rien fait, tu veux dire ils ont rien mis en place pour essayer de changer ce système là Le gouvernement, tu parles. Oui, c'est ça. Et je pense qu'il ne faut rien attendre d'eux. Et c'est à nous, au peuple, de se soulever. Donc là, on a le temps de réfléchir à tout ça. Là, par exemple, on est en train de regarder des documentaires sur la démocratie. Qu'est-ce que la démocratie? C'est quoi? La démocratie. En gros, hein. On ne fait pas l'exposé entier. Hein. T'as compris, quoi. La démocratie, c'est... ça a été mis en place... dans le documentaire, il dit que c'était à Athènes, mais ça vient plutôt de l'Orient, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été coupées dans l'histoire de notre histoire. Et donc, en fait, ça a été créé par le peuple, pour le peuple, et géré par le peuple. Pour le peuple, peuple, peuple. Pour le peuple. Pour les peuples, oui. Je suis susceptible. C'est vrai, c'est vrai. Pardon. C'était juste pour rigoler. Et donc... Plop. Tu me laisses terminer. Et donc là, on voit bien par rapport à ce Covid que on doit rester chez soi, se taire, se confiner. Et puis que tu sois dépressif, que tu sois sans un rond, tu restes chez toi et puis tu vas te confiner. Mais quoi, est-ce que le confinement, il serait pas pire pour certaines personnes que d'être confiné pour ce virus? Est-ce que le virus, enfin voilà. Donc, le choix de nous, citoyens, il est nulle part. Et de manière générale, c'est ça. Et quoi, qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Ok. Quelqu'un a envie de réagir sur ce qui s'est dit? Moi, j'ai envie de réagir à la question qui a été posée à Camille. Tu me la rappelles parce que... C'est qui, Camille? Attends. C'était quoi la question? Je crois qu'une de tes questions, c'était est-ce que je crois vraiment, naïvement, en quelque sorte, à ce changement de paradigme soudain et... Oui, est-ce que on voit ça circuler vraiment beaucoup hein, pour dire bon, maintenant, ça va, on a compris, on va pas reprendre la méga machine avec ce confinement et tout. Mais bon, et vous savez qu'il y a des gens qui bossent. Hein. Ils ne sont pas confinés, hein. Vous voyez ce que je veux dire, il y a, tout le monde de la population n'est pas confiné. Hein. Il y a des gens qui continuent à faire marcher la machine. Oui, il y a des gens qui continuent à faire marcher la machine. Et quelle est l'impulsion, le sentiment ou l'émotion qui les régit, qui les met en marche pour avoir envie et la foi de continuer à faire tourner cette machine, et c'est pour ça que... C'est quoi? T'as la réponse? Non, c'est une interrogation que je pose, et ça m'amène à une autre interrogation, ou plutôt à une envie de partage d'une part de mon imagination ou de mon observation. Je me demande s'il n'y a pas deux mondes, en fait, parallèles qui sont en train de se créer, enfin, parallèles, ils ne sont pas scindés, hein, ils sont auto-dépendants l'un de l'autre. Mais tu vois, j'ai l'impression qu'il y a une partie de la population qui vit ce confinement avec espoir, comme Camille, en espérant que ça va faire bouger, qu'on va être mis face à une forme de vérité et qu'on pourra plus l'ignorer. Et puis je pense qu'il y a une autre tranche de la population qui... Et moi, juste sur cette idée que tu viens de développer. Je vous êtes dans mon dos, mais... Vous entendez ce que je dis? Non. Non, on n'écoute pas. Ça ne va pas, ça. Ça ne va pas. Après, il y aura des points. Hein. La note... Mais vous êtes tous jeunes ici autour de cette table. Hein. Quoi, c'est quoi votre tranche d'âge? Entre 22 et 30 ans. Ok. Mais sur l'idée que tu viens de développer, tu peux la redire, ce que disait juste là, maintenant? Que le monde va changer. Qu'il y a une tranche de la population qui va être mise face à une forme de réalité et qu'elle va ne plus pouvoir l'ignorer, c'est ça que je disais. Enfin, reformule, parce que là, quand tu dis une tranche de la population... Bah, il y a une partie de la population. Il y a certaines personnes qui ont les moyens économiques et le confort physique pour pouvoir remettre en question... son mode de vie ou certaines manières de fonctionner qu'il a l'habitude, et là avec ce confinement et parce qu'il sait, regardez, moi j'ai pensé à ça à moto là en sortant de mon confinement pour aller rencontrer un autre confinement. Je me suis dit c'est fou parce que ce confinement, allez, on n'est pas tous à la même échelle quoi, hein. Il y a des gens ils ont plus de boulot, ils vont se dire merde, comment je vais faire, vous voyez, ils doivent aller au chômage, s'ils n'ont pas droit au chômage, comment ils vont faire, quoi? Puis il y a ceux qui sont en confinement, mais ça va, ils ont des réserves, de la thune de côté. Ils peuvent se dire, bah, tiens, moi, à mon avis, je peux être en vacances jusqu'au mois de septembre. Et puis au mois de septembre, je redémarrerai quelque chose. Vous voyez, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Et c'est ça que je voulais dire. C'est qu'il y a une idée comme ça qui circule, que le monde va changer, qu'on espère qu'il va changer. Et moi, je voulais juste amener cette idée-là. Vous savez qu'il y a des gens qui se battent pour changer les choses, qu'il y a des manifs, qu'il y a des guerres qui se font pour changer les choses. Et il suffirait d'un corona, et ça y est, par magie. Vous voyez ce que je veux dire? J'avais juste envie d'amener cette idée-là. Comment est-ce que vous l'entendez, ça? Comment est-ce que ça percute Vous comprenez ce que je veux dire? Moi, j'espère que... Tu n'as pas encore entendu. Moi, comment tu t'appelles? Je m'appelle Mathias. Mathias. Salut tout le monde. Il est confiné autre part. Le petit Mathias attend son papa à la caisse. Je crois que j'espère que les mouvements vont surtout s'agrandir, en fait, et que peut-être que ce confinement, effectivement, il touche plein de gens et de manière différente, mais par contre, ils sont tous... la plupart vont faire face à, à leur démon intérieur, à un moment donné, sans doute. Ils vont faire face à leurs conneries, parce qu'ils vont regarder des conneries à la télé pour passer le temps. Toi aussi, hein. Toi aussi, tu regardes des conneries. Hein. Non. J'essaie de ne pas le faire. Non, je ne le fais pas, en fait, mais je devrais me l'autoriser peut-être de temps en temps, ça me ferait du bien. Et qu'est-ce que je voulais dire que... oui, à un moment donné, ils vont faire le tour de tout ça, et tout, j'ai l'impression que plus de gens vont être confrontés aussi à cette entre guillemets, à ces vérités, ou alors ils vont peut-être arrêter de se voiler la face, et ils ont été touchés dans leur propre confort, comme Sarah disait tout à l'heure. Alors que généralement ils disent ben voilà, moi je vais bosser, je passe ma journée, je reviens, j'ai pas le temps, je fais mes trucs. Et là ils sont vraiment touchés. Je veux dire là, chacun est touché dans comment dire. Oui ça va. Non, c'est pas... Tu te moques de lui ? Non. Ok. Et donc voilà, c'est ça que je voulais dire. La prochaine étape, ça va être peut-être de se rendre compte qu'il faut se mobiliser ensemble et il faut essayer de créer des ponts entre chaque individu. Et pour moi, il y a de plus en plus de gens qui vont se dire « Merde, effectivement, il faut changer ce paradigme. » Parce qu'ils vont perdre leur boulot, ils vont peut-être se retrouver dans la merde, ils vont peut-être se retrouver à la rue. Je crois qu'effectivement, on va avoir une période super, super, super dure. Mais elle sera positive, parce que je crois que le changement, il est de toute façon compliqué. Et c'est à ce moment-là qu'il va y avoir des manifestations et qu'il va y avoir des rassemblements. Pour le moment, on se rend compte qu'on ne peut pas bouger. Et donc, c'est peut-être effectivement le moment de préparer ces mouvements-là. Et donc, notre rôle, j'ai l'impression aujourd'hui, c'est après plusieurs semaines de confinement, où la première étape, pour ma part, ça a été plutôt de se dire, on va en profiter pour faire les trucs qu'on a à faire, pour être plus autonome, pour continuer à développer notre projet. Et puis... ensuite, on se dit, bah oui, ok, mais en parallèle de ça, il faut créer les ponts avec d'autres qui ont peut-être la même envie. Et donc, au fur et à mesure, ce réseau va se tisser, la toile, voilà, une autre toile va se tisser. Et on a le temps de le faire, on a le temps de le penser. Donc, c'est maintenant qu'il faut agir, effectivement. Et donc, j'espère presque que le corona dure encore plus longtemps pour pouvoir vraiment voir un pétage de plomb général et qu'il y ait une mobilisation. Ouais, c'est pas mal comme... comme image, ça, cette idée-là. Ouais, que le corona continue, comme ça, on n'en peut plus. Et là, ouais, il y aura peut-être des morts, hein, si le corona continue aussi. Des gens qui vont pas supporter, qui vont se suicider. Bon. Ils avaient prévu un taux de suicide plus élevé pendant le confinement, d'ailleurs. J'ai pas surveillé les... C'est vrai ? Ouais. Qui ils ? Moi, je l'ai lu dans les médias. Alors, est-ce que ça m'étonnerait que ça soit les politiques qui aient communiqué ça et que les médias l'aient retranscrit ? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'avais lu dans la presse au début du confinement. Et ouais, je me demande où ça en est. Toi, t'as pas encore entendu, hein ? T'as rien, non ? T'as envie de rien dire ? J'attends quand même. Oui, t'es pas obligé, hein. Tu peux juste écouter. On laisse mijoter un peu. Ce sera plus croustillant. Et là, j'avais envie de dire que, ouais, on parle du changement climatique, du dérèglement climatique, de tout ça, mais on n'a pas parlé de ça maintenant. Hein. Non. Maintenant, non. Hein. Je sais pas où tu es, toi. On n'a pas parlé de ça maintenant. J'ai dit quoi ? Sinon, on s'y perd, quoi. Elle aime pas qu'on la domine, Anaïde. Qui ? Je veux pas. Non, mais je la domine pas. Je on discute et on essaye de tenir ce fil de la pensée, parce que sinon, quand toi tu parles du climat, on n'a pas encore une seule fois parlé du climat, quoi. Mais oui, mais parce que, enfin, ce coronavirus, il vient du problème de... Enfin, je parle de ça parce que le dérèglement climatique est provoqué par une agriculture intensive. L'agriculture intensive, quoi, ben, elle te fait manger des trucs sans nutriments ni rien avec rien à l'intérieur, et donc l'immunité va baisser. Ben, voilà, c'est sur ça que ça me faisait penser à tout ça. Mais du coup, je me suis perdue. Oui. Mais attends. Et donc. Je pense que là, oui, maintenant, on est impacté de manière individuelle. Et moi, là, ça me touche en me disant, OK, en fait, là, on est en train de le vivre maintenant. On nous bloque. Et est-ce que j'ai envie de continuer à manger mon propre poison ? Tu vois ? OK, les gens, ils vont reprendre leur vie en ayant bien conscience que tout ça a un lien avec ce que tu... ton impact sur le monde. Et, mais est-ce que tout le monde a cette conscience de la même manière, avec les mêmes réponses? Moi, je suis pas si sûre de ça. Hein. Ouais. Oui, j'avais envie aussi de revenir sur cette idée de l'accès à cette réflexion et de comment est-ce qu'on va faire pour faire changer les choses, parce qu'on n'est pas tous capables à la même échelle. Et en même temps, donc il y a besoin de se mobiliser pour que les choses changent de façon plus globale. Et donc moi, en fait, je pense au fait qu'on a réussi à se mobiliser tous, la moitié de la population est enfermée. Si on sait se mobiliser de telle façon, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. De dire, voilà, maintenant, on décide qu'il y a ce changement-là qui arrive. Tout le monde participe à ce changement. Oui, c'est sûr que la force, c'est le nombre, c'est les gens, c'est nous, quoi, évidemment. Mais justement, le problème, c'est qu'on ne pense pas tous de la même manière. On ne vit pas tous de la même manière. On n'a pas les mêmes réponses, j'imagine, du corona. De ce Covid, il y en a peut-être qui se racontent d'autres histoires que là, toi tu racontes que c'est en lien avec le climat, l'écologie, etc. Mais il y a peut-être d'autres qui ne voient pas du tout les choses de la même manière. Mm-hmm. Oui, c'est ça. Et donc justement, pour avoir une sorte d'équité, ce serait intéressant de pouvoir parler des loyers, de parler d'un revenu universel, de parler de toutes ces choses-là, qui, je pense, peuvent toucher vraiment énormément de gens. Et à la fois, quand je dis revenu universel, j'ai envie de porter l'attention sur ça. Il a été question de ça il y a quelques années, avec l'idée que ce revenu universel serait là, mais qu'on garderait, que du coup on retirerait la sécurité sociale. Donc voilà, il faut vraiment faire bouger les choses, mais tout en gardant encore une fois un œil sur notre vraie sécurité et liberté, quoi. Oui. Je suis un petit peu... ça va, Sarah? Oui. Tu continues à peindre? Oui. Tu as lâché le... Non, je vous écoute. Mais... Elle est active. Elle est active. Ouais, attends. Ça va être plutôt court, mais c'est juste l'élan qui me fait rebondir à ce que dit Camille. Et un peu au climat par rapport à ce que tu disais. En même temps, je trouve ça, oui, peut-être beau qu'on sache se confiner ou qu'on sache respecter... pas vraiment qu'on sache respecter une mesure, mais juste qu'on agisse ensemble, ça peut être beau. Mais après, ça m'interroge un peu sur, justement, au niveau politique, quand on voit, par exemple, la COP21 ou plein de choses ou plein de trucs où le gouvernement veut s'engager dans des choses, mais ça a l'air tellement compliqué de le faire, tellement compliqué de faire bouger les choses. Les mesures prennent énormément de temps. Et puis là, le confinement, c'est comme ça, quoi. Alors, ça m'interroge un peu sur... En fait, il y a des capacités à agir directement, alors. C'est une bonne remarque, quoi. Ouais, pour le confinement, ça se fait, voilà, monsieur, madame, il ne faut plus bouger de chez vous. Donc, il y a moyen de faire changer les choses, même à grande échelle, quoi. Bah, c'est ce que je me dis, et donc d'un côté je trouve ça beau et d'un côté un peu révoltant de tiens, alors pour tout ce qui a l'air quand même admis maintenant de façon générale au niveau du climat ou de certains engagements qu'il est nécessaire de prendre, pourquoi on le fait pas alors si on sait faire ça pour le corona? Pourquoi on le fait pas? C'est ma question que je pose aux politiciens. Oui, mais toi t'as pas des bribes de réponse? C'est pas intéressant. D'accord. Ouais. Ah oui, ma réponse, qui n'est pas très joyeuse, c'est que c'est pas intéressant, en fait. C'est pas intéressant pour le capitalisme, en fait. Il n'y a pas assez d'argent qui peut sortir de là. Et donc, en fait, on s'en fout, actuellement. Oui, c'est juste... c'est pas encore un point qui va intéresser les politiques, et donc... S'il n'y a pas de rentabilité, d'après moi, c'est mon côté... Mais c'est pas que d'après toi, on est d'accord là-dessus, on a fait un peu la boucle. Et du coup, voilà, la vraie question, attention, elle va tomber. Sarah, tu l'écoutes? Ouais. C'est, comment faites-vous, vous, la jeune génération, pour vivre dans ce monde-là, où clairement, la politique en a rien à foutre? Je simplifie l'idée. C'est le capital qui compte, ça pollue, on bouffe de la merde, ça craint, Comment est-ce que vous vous... Ok, vous avez créé un espace comme ça de verdure et de chouettitude, on va dire. Mais c'est un entre-soi, quoi, quelque part. Ça veut dire qu'on va rencontrer un peu les gens qui pensent pareil. Et... Ouais. Ok, mais vous avez... Enfin, voilà, c'est lancé, quoi. Moi, j'ai décidé que j'allais à contresens de tout et que j'allais me dépouiller de tout pour mettre toute mon énergie dans la construction de rêves d'un autre monde, dans un autre paradigme, et que je lâcherai rien jusqu'à la fin. Et ça me rend heureuse. Alors, j'en ai rien à foutre qu'on me dise que les jeunes, vous, aujourd'hui, comment est-ce que vous le vivez? Ça doit être triste. On n'est pas des victimes et on est justement... On a le pouvoir de changer les choses. Alors oui, la politique dans laquelle on est gérée par une classe élitiste qui se nourrissent d'elles-mêmes et qui, donc ils en ont rien à foutre, de, comme elle disait tout à l'heure, Camille, de ce changement, de ce dérèglement, parce que de toute façon, ils allaient profiter des dernières années et que nous, les jeunes, maintenant, on a ce monde-là, après une sacrée gueule de bois de nos anciens. Oui, mais tu profites aussi de ce système ici, quoi. Je veux dire, tu en profites aussi. Tout le monde en profite. Tu voyages, tu as ton smartphone, enfin, tous ces trucs-là. J'essaie de... par exemple, j'ai pas de smartphone, je voyage pas trop. Ok. Et voilà. Oui, mais là... ça, c'est toi. Mais je veux dire, la jeune génération, elle fait partie aussi de ce système qui profite à fond, exagérément des fois, peut-être pas toi, mais je veux dire, tu es d'accord de t'intégrer quand même là-dedans, quoi. Non, je ne suis pas d'accord de m'intégrer là-dedans. En fait, dans les forêts, il y a aussi ce rapport de domination et dominé. Et tu as des entités qui essaient de réguler ce rapport de domination. Et je pense que ce soit pour les jeunes ou les vieux, il y a toujours ces entités, ce groupe de personnes qui vont essayer de re-réfléchir, d'essayer de re-questionner ce monde-là. Et puis, une personne aura un impact sur d'autres personnes, et moi, j'y crois. Je crois fermement en la révolution et en changement et je m'en fous d'avoir un smartphone et je m'en fous de voyager et je m'en fous que des fois j'ai pas à manger parce que j'ai décidé de pas travailler à McDo pour avoir mes 1000 balles par mois et je préfère ça plutôt que... Et putain, qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que c'est bon de te sentir libre et pas te dire que voilà, il faut faire comme ça parce qu'il faut le faire. Mais... même si on ne nous donne pas toutes les clés pour être une personne libre et consciente et tous ces trucs-là, mettre tout ce que j'ai comme énergie pour y croire et pour faire de mon mieux, ça me rend heureuse. Ça me rend heureuse. Et fuck off, hein. Ok. Moi, je pense justement qu'une partie de cette éducation à la liberté et ce sentiment dont Anaïd parle, en fait, ça pourrait être en grande partie, une éducation nouvelle. J'ai vraiment ce sentiment fort qu'il nous faut une autre école que l'école traditionnelle qu'il y a actuellement. Parce qu'on parle de comment nous, on vit, mais moi, j'ai envie de parler de comment on peut faire changer les choses pour la suite qui est imminente, quoi. Et donc, j'ai envie d'une école qui apprenne à ce qu'on pense par nous-mêmes, à ce qu'on puisse être libre, pour faire les choses... Avec un sentiment de responsabilité et de liberté et de savoir-faire, savoir-être, et toutes ces choses. Mais j'ai essayé de ramener les choses au concret un peu, vous voyez, parce qu'évidemment, dans les concepts et dans les... évidemment qu'on a envie qu'un autre monde change, on disait au début, y a déjà plein de gens qui ont réfléchi sur une autre manière de vivre, de manger, de penser, de vivre, quoi. Enfin, peut-être, comme vous êtes plus jeune... ça paraît moins évident aussi, je suis désolée peut-être de ça aussi, mais évidemment qu'il y a une vraie alternative, et c'est pas depuis aujourd'hui qu'on se réveille et qu'on se dit qu'une autre école est possible, que manger autrement c'est possible. Il y a déjà plein de gens qui se sont penchés sur cette question. Moi, j'avais juste envie de dire, comment, pour être un peu dans le concret, comment est-ce que vous faites pour vous comment dire, pour vous projeter dans ce système. Hein. En plus, vous connaissez le corona, là, vous comprenez qu'il suffit de dire confiner les gens et les gens sont confinés. Et donc, ça veut dire qu'on est tout à fait capable de changer de système, mais qu'il n'y a pas vraiment de volonté politique. Et je me disais, tiens, comment est-ce que vous faites là-dedans pour être debout, en lien avec le monde, avec les autres? Comment est-ce que vous voilà. Ici, on ne travaille pas tous, déjà. On est très peu à être employés par le gouvernement, par l'État. Il y a déjà, en fait, un système de résilience qui est en marche ici, dans notre lieu de vie. Et les jobs qu'on fait les uns les autres sont des jobs qui sont choisis pour être justement dans une sorte d'alternative. Et je pense que ça participe à nous faire sentir, à ce qu'on se sente bien avec nous-mêmes, avec ce qu'on vit, notamment travailler dans une école alternative. Il y a des gens qui sont maraîchers. Enfin, voilà, on ne vit pas aux dépens de l'État. Ça fait partie déjà d'une première démarche, mais après la question est très bonne. Comment on fait pour se sentir vraiment bien? Parce que quelque part, on est encore dans ce monde. Oui, on est vraiment dedans là. Je sais pas. Oui, t'inquiète pas, on le sent, on le sait. Non, mais j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Hein. C'est-à-dire qu'il y a évidemment qu'on peut vivre dans sa tête, dans son entre-soi, mais après il y a le réel avec les autres, le monde dans lequel on est, parce que il y a plein de petits espaces comme ça, plus ou moins grands, de gens qui vivent autrement. Ça existe, hein, il y en a plein. Attends, vas-y. Tu voulais parler, non? Tu es toujours partante? Ou... Ouais. Bah, du coup, moi j'ai 27 ans et ça fait 12 ans que je suis au CPS. Parce que le jeu de l'argent, c'est un jeu auquel j'ai pas envie de jouer. J'ai pas envie de donner mon temps en échange des pions nécessaires pour jouer à ce jeu-là. Du coup, ça fait 12 ans que je me trouve des circonstances atténuantes pour pouvoir être bénéficiaire du CPS. Et c'est le CPS parce qu'il n'y a pas le revenu universel comme l'a mentionné Camille. Mais en fait, je me pense complètement apte. Mon corps est plus qu'en forme. Mon esprit fonctionne très bien. Et c'est en parfaite conscience que j'ai rendez-vous régulièrement avec mon assistante sociale et que je m'invente des circonstances atténuantes pour bénéficier des pions qui me sont alloués, enfin des jetons qui me sont alloués chaque mois pour pouvoir aller jouer au magasin et pour, enfin tu vois. et voilà, c'est un parti pris, c'est pas celui qui fera changer le monde, mais en même temps c'est celui qui moi me permet d'avoir une tranquillité de corps et d'esprit. Oui, ce que tu veux dire c'est que tu rentres pas dans la... Tu joues pas à tout, t'essayes de pas jouer à tous. J'y joue puisque je dépends d'eux, donc je joue à leur jeu. Je permets qu'ils soient intrusifs par moment, je permets qu'ils soient autoritaires par moment. Moi, je parlais du grand jeu d'avoir plein d'argent, de bling-blinguer, d'avoir une grosse voiture, une grosse maison. Je veux dire, tu vois, il y a différentes parties du jeu, quoi. Ouais. Toi, tu joues pas à ce grand jeu général qui est en fait d'avoir. Si on doit simplifier l'idée, c'est le pognon, c'est toujours le pognon, on pense qu'à l'argent, à l'argent, à l'argent, quoi. Non, moi je trouve qu'à la limite, je pourrais même dire que le CPS est trop généreux avec moi, parce que je vis une vie de rêve, je vois pas ce que je ferais de mon argent si j'en avais plus. Avec ce que le CPS m'alloue par mois, j'arrive même à mettre de l'argent de côté, donc c'est pour te dire que je manque pas d'argent, mais... Enfin, j'ai pas du tout la sensation d'être dans le besoin, alors que enfin, j'entends souvent ou je vois souvent des gens qui se plaignent que qu'il faut faire grimper les aides sociales, etc. Pour moi, c'est amplement suffisant, voire trop. Merci le gouvernement belge à ce sujet. T'as peut-être pas un gros loyer. Enfin, de toute façon, ça, c'est des anecdotes, on s'en fout. Encore une fois, ça c'est la curiosité qui amène à créer des situations qui sont plus confortables selon ce que tu estimes être tes besoins, quoi. Ce qu'on disait au début un peu. Oui, tout à fait. Quelqu'un a lu, hein, n'ayez pas peur, hein, vous n'avez plus rien à dire. Ah, me dis. Comment tu t'appelles, toi? J'ai pas, non. Si, Jules, je m'appelle Jules. Jules. Jules, ouais. Tu avais envie de réagir sur quoi, toi ? Je voulais réagir sur la question que tu posais de comment nous on vit dans ce monde et comment nous on, je sais plus c'était quoi exact. Enfin. Mais l'idée c'était de se dire que comme le monde est pourri en gros, qu'il est extra visible avec le corona, qu'en fait il y a une volonté. Pour confiner tout le monde, mais il n'y a pas de volonté pour changer ce système de merde. Oui. Comment est-ce que vous, tout jeune que vous êtes là, vous êtes plus con. Enfin, non, je crois qu'il y a des plus jeunes que d'autres. Hein. Il y a des plus vieux. Comment est-ce que vous. Qu'est-ce que vous auriez envie de raconter par rapport à ce que je viens de dire, ouais. Quoi. Ouais, moi j'aimerais bien aussi. Enfin, parler de. Ouais, de peut-être un aspect qu'on n'a pas encore vraiment abordé, mais de comment. Enfin, comment aussi moi je perçois ça, mais c'est de que comme on dit le monde est, enfin il y a plein de choses qui vont pas bien dans le monde et que le monde est un peu pourri peut-être. Non, déjà là non. Oui, mais il y a aussi plein de belles choses quoi. Mais, D'accord. Ouais. mais les deux sont vrais. Mais que en tout cas je pense moi ma démarche et je pense la démarche avec les gens ici aussi c'était aussi de peut-être créer une solidité ensemble aussi parce que on connaît pas les épreuves qu'on va je sais pas on sait pas mais il y aura peut-être des épreuves difficiles qu'on devra traverser dans le futur pour que les choses changent aussi et que je pense que ce qui est important aussi en parallèle avec d'autres choses c'est de créer sa solidité et d'avoir des gens solides en fait. On parlait de résilience l'autre jour, résilience psychologique qui fait que la balle elle rebondit quand elle tombe. Je pense que c'est ça qui va être aussi très très important dans le futur. C'est que on soit solide dans le sens où on se connaît quand même bien. Ou aussi parce qu'on peut aussi vite se perdre dans la colère, dans les choses comme ça, qui sont très énergivores et qui, je pense, n'amènent pas de... Enfin, parasites... Enfin, oui, change notre perception et amènent peut-être des solutions qui ne sont pas très durables, je pense, par la colère. Et donc, ce que je voulais dire, ouais, c'est que je pense qu'une des choses très importantes et que j'ai l'impression de faire ici, et c'est plus à un niveau donc, de notre groupe et individuel, c'est de donner de l'espace à chacun à vivre ensemble, mais de manière aussi à essayer de se comprendre les uns les autres et à se soutenir les uns les autres vraiment. Et donc on fait ça à travers, on a des petits groupes de partage où on peut parler de comment on sent et certains ont fait un peu de méditation ensemble aussi le matin et d'autres choses, mais il y a une volonté de développer ça aussi quoi, en plus de développer un projet qui... Enfin, qui veut être résilient de manière physique, d'être résilient aussi de manière psychologique en fait. Et c'est vrai qu'ensemble, enfin, moi je pourrais plus vivre seul ou même à deux en couple, je pense que ce serait trop difficile. Aussi pour cette raison-là qu'on est des êtres sociaux et qu'on peut aussi grandir à travers l'autre, quoi. L'autre a une chance de grandir pour nous. Et c'est confrontant, mais c'est aussi... Voilà, ouais, j'ai envie de réagir à ce que tu dis, parce que j'entends bien qu'il y ait des endroits comme ça, comme ici, où on essaye d'inventer d'autres valeurs, d'autres manières d'être les uns avec les autres, de développer aussi une certaine force de cœur et d'esprit, quoi, quelque part, avec ce qui va se passer demain parce qu'on ne le connaît pas. Et moi, en fait, ce que j'avais juste envie de dire, comment est-ce que vous vous inscrivez, toi, ici, dans le grand monde, quoi. Tu vois, en lien avec les autres, quoi. Ça voudrait dire que vous accueillez tout le monde, alors du coup ici, comment? Je veux dire, moi, ce qui m'intéressait, c'était de développer ou de parler de ça, de cette idée des autres, quoi, du monde, des gens, de ceux qui ont plus difficile. Comment est-ce que tu fais dans ta tête pour te dire, tiens, ben voilà, tu pourrais dire, moi, je ne peux pas grand-chose, je peux déjà juste pour moi, et c'est déjà pas évident. Enfin, voilà, comment on s'inscrit dans une politique, et pas partisane, hein, on s'en fout, mais dans une politique plutôt de vivre ensemble tous, quoi. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vivent comme vous dans des endroits, on va dire, protégés, parce que vous le voulez bien, hein. C'est pas que ça vient comme ça du Saint-Esprit, parce que vous le voulez bien. Et puis les autres, on s'en... Voilà, c'était juste ça, comment est-ce que vous... Tu comprends ? Oui, je comprends. T'as peut-être pas la réponse, mais... Ouais. Oui, je trouve ça très, très, très important ce que tu soulignes, le fait de ne pas vivre dans notre petit espace où nous, on crée notre beau monde. Non, mais je veux dire, vous pouvez aussi, hein, mais j'avais envie d'entendre comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ça, comment... Voilà, en fait, en pensant à ça, justement, entre nous, on porte souvent l'accent, on se rappelle souvent à quel point c'est important d'ouvrir nos portes aux rencontres, et on questionne souvent, tiens, qui est-ce qu'on accueille, est-ce qu'on va être capable ? Mais ce qu'on fait à notre échelle, c'est d'essayer de créer dans notre petit village une transition. Donc on fait des petites réunions pour essayer de lancer cette transition, pour justement créer du lien avec les gens qui sont autour de nous. Encore une fois, ça reste un petit réseau, mais on essaye d'être en lien avec les voisins. On travaille bien le lien avec les voisins, une bonne entente. Et puis d'essayer de mutualiser toutes nos forces, d'être ensemble. Et dans cette transition, il y a aussi une transition humaine, comme en parlait Jules, en fait. C'est plein de choses ensemble. Donc, de créer des groupes, de se rassembler, de trouver des occasions de faire la fête ensemble, d'avoir des événements festifs ici aussi. Avoir un petit bar, on ne l'a pas encore fait, ce serait intéressant d'avoir un bar ici qui puisse accueillir plusieurs personnes. Il arrive ce soir. Tu dis ? Le bar arrive ce soir. Le bar arrive ce soir ? T'es toute contente là. Hein. Non, mais c'est un copain qui habite ici qui a créé une roulotte et ça s'appelle comment le... On peut pas, hein, on peut pas le dire. Hein. Ah oui, on peut pas le dire de toute façon. Qu'est-ce qu'il prend ? C'est pas que je suis contente absolument que le bar arrive. D'ailleurs, il a. Non. Pour me justifier, d'ailleurs, il arrive vide, donc jusque-là, ça n'a aucun intérêt, mais j'ai quand même remarqué que ça pouvait apaiser certaines réticences ou certaines timidités, et parfois délier des langues, voire des cœurs, quoi. Avec le bar, l'alcool. Avec le bar, ouais. Mm-hmm. Avec le bar ou l'ambiance qu'elle y met. On a des amis ici qui ne boivent pas du tout. Enfin, une en particulier, Isaline, par exemple, ne boit pas et elle prend plaisir à discuter avec nous quand même. Et moi, je me souviens de certains soirs où, après avoir bu pas mal, j'ai pris des engagements vis-à-vis d'elle et le lendemain matin, j'étais bien obligée de les respecter. Donc, tu vois, c'est pas juste une vieille parole d'alcoolo, quoi. Mais ça pourrait l'être. Ça pourrait l'être. On dit souvent... Mais ça ne l'est pas. Ouais. J'insiste. Bon, ben, les amis, je voyais que tu voulais lever la main. Je crois qu'on a un petit peu fait le tour, non ? Il semblerait, toi ? Ouais, mais je sais pas, j'avais juste envie de réagir par rapport à ce que tu disais, notre place là-dedans quand même, et peut-être juste terminer, je sais pas, ça pourra peut-être être une bonne clôture, j'en sais rien, mais... parce que comment dire, moi je ressens quand même une insatisfaction encore, bien sûr, parce qu'on a toujours envie de faire plus, et on parle de... voilà, chacun vit un petit peu dans notre petite réalité ici, où tout c'est relativement facile pour nous parce qu'on voilà, je crois qu'on a un certain confort de vie, on vient pas de nulle part non plus. Il n'y a pas forcément une réelle mixité sociale dans notre espace, mais c'est un sujet qui revient, qui est revenu déjà quelques fois et qui va encore revenir. C'est l'inclusivité, c'est d'essayer de trouver de créer un lieu où il y a différentes personnes d'origines différentes, d'origines sociales différentes, d'origines culturelles différentes, pour De un, arriver à vivre avec, avec toutes sortes de personnes, parce que c'est facile de... Enfin, c'est déjà compliqué, en fait. Non, c'est quand même déjà compliqué de vivre avec des gens qui sont un peu les mêmes que nous, entre guillemets. Mais c'est un premier apprentissage, c'est déjà arriver à se démerder avec ces gens-là et avec soi-même, ça c'est un premier truc. La seconde étape, c'est d'essayer de, voilà, grâce peut-être à des outils qu'on a développés, peut-être par rapport à une évolution personnelle qu'on a réussi à acquérir, c'est ouvrir justement à un réseau déjà un peu plus large et aller chercher, on a envie d'accueillir un espace ici pour des migrants, pour peut-être des gens qui n'ont pas l'occasion justement de s'ouvrir aux alternatives, aux alternatives de manière générale, à sortir un petit peu de leur petit cadre de vie, de leur petit studio peut-être, j'en sais rien, essayer de trouver peut-être ces personnes-là et arriver aussi à vivre avec elles. Une fois qu'on y arrivera, c'est grâce aussi à ces personnes qui vont, entre guillemets, diffuser un autre mode de fonctionnement. Pour moi, il faut déjà essayer de sortir des villes. Enfin, il faut essayer de recréer plein de petites expériences Pourquoi tu dis qu'il faut sortir des villes? Qui dit ça? Moi. Parce qu'il y a des gens qui se trouvent bien en ville. Hein. Enfin, je veux dire, vous voyez ce que je veux dire? Bon, moi, je me sens mieux à l'extérieur des villes, mais je peux tout à fait imaginer qu'il y ait des gens qui n'aiment pas la ville. Et la ville, il ne faut pas simplement la regarder comme quelque chose de mauvais. La ville, c'est aussi plein de gens les uns à côté des autres. Dans certains quartiers, il y a beaucoup de solidarité. Il y a moyen aussi d'inventer pas mal de choses, hein. Mais je veux pas cracher complètement sur la ville, mais Mais tu peux. Je veux dire, j'ai pas de. Mais c'est tes gens. Il faut le truc. Il faut sortir de la ville. Mais qui dit ça en fait? C'est surtout que je pense qu'il faut développer l'extérieur de la ville plutôt que d'essayer de penser de focaliser toutes les énergies sur ce qui se passe en ville dans un espace qui est fort réduit et qui est à développer. Je pense qu'il y a plein de belles choses qui peuvent se passer, mais les gens sont vraiment les uns sur les autres, c'est anxiogène, les gens sont de plus en plus individuels parce que ouais, il y a juste beaucoup trop de monde. C'est très difficile de garder des connexions saines sauf quand... Je comprends tout à fait, mais tu sais pourquoi les gens se retrouvent en majorité dans les villes? Pour le boulot, donc c'est pour ça que je dis. Et c'est pas seulement ici à Bruxelles, c'est dans toutes les villes du monde, comme ça les gens sont attirés par la ville, parce que c'est d'abord là qu'il y a le boulot, quoi. Ouais, du coup, c'est ce que je veux dire par sortir des villes, c'est en fait développer un autre fonctionnement en dehors des villes, parce que je crois qu'il est difficile à développer à l'intérieur, c'est quelque chose... Voilà, un système moins consommateur, un système plus résilient, plus simple, dans un espace un peu plus large aussi, qui nous permet de nous exprimer et de nous rencontrer plus sainement. Oui, ce que je voulais dire, parce qu'après, sinon on ne comprend pas, mais c'est toujours difficile des fois de parler dans un micro, de vraiment bien élaborer sa pensée. Mais les gens vont... se dirigent vers les villes parce qu'il y a le travail et que le système démolit, a démoli l'artisanat, a démoli, voyez, tous les gens qui essayent d'inventer autre chose ou de vivre autrement, à plus petite échelle ou de créer. Tout ça est démoli. Donc les gens sont bien obligés d'aller trouver des boulots stupides dans les villes aussi, quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Sortons, aidons les gens à sortir de cette stupidité. Ouais. Ah, merci, oh merci. Et donc nous-mêmes, hein, je veux dire, on est dedans aussi. Hein. Mais voilà. Moi, ce que Mathias disait me fait penser à un rêve que j'ai, c'est j'aimerais juste faire venir la campagne en ville et faire venir la ville en campagne. Moi, j'ai grandi en ville et j'avoue que maintenant que je suis en campagne, il y a toute cette proximité qui me manque un peu à la campagne. Et si j'ai quitté la ville, c'est parce qu'on était entouré de béton. Il me faut de la nature, il faut des végétaux. Et du coup, mon rêve, ce serait de pouvoir végétaliser les villes et de pouvoir amener cette proximité à la campagne. Enfin, c'est les deux points positifs de chaque extrême. De toute façon, je pense qu'on est aussi tous d'accord sans doute moi la première, pour dire que les extrêmes sont néfastes, quel que soit ce qu'ils comportent. En tout cas, dans nos habitats, ce serait... Enfin, et dans nos lieux de vie, ce serait cool de pouvoir mixer les deux. Et c'est pour ça que... Ouais, pour moi, le côté un peu down de là où on vit, c'est qu'il n'y a pas tant... le contact n'est pas aussi foisonnant qu'en ville, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui me manque fort. Et en même temps, en ville, on n'a pas d'espace comme ici pour pouvoir respirer et se trouver seul face à soi ou pouvoir contempler la flore en sortant de chez soi. Et donc, c'est pour ça que mon rêve, ce serait de pouvoir mixer ces deux points positifs. Moi, je voulais rebondir sur ce que disait Mathias par rapport à l'inclusivité. Et c'est vrai que la transition, elle est surtout pour la classe de bobo écolo. Et en fait, je voulais juste rebondir là-dessus parce que, enfin, moi, je viens de foyers et de trucs où on dit que tu as passé ton CFA coiffure et que tu vas te retrouver dans un HLM au milieu de Marseille et que voilà, la vie, elle est comme ça parce que tu viens de ce milieu-là. Et moi, j'ai jamais cru à ça. Et parce que pour moi, on peut être plus rusé que le renard. Et il faut être très malin. Et en fait, ce que j'ai vécu dans ces foyers et dans mon histoire m'a appris à être plus résiliente et plus forte à l'intérieur de moi. Et je pense que là, avec ce qu'on vit aujourd'hui, ça peut aussi augmenter notre force et notre résilience. Parce que c'est ce que disait tout à l'heure Jules, la capacité d'une balle à rebondir, elle peut être là à l'intérieur de nous et elle peut grandir à n'importe quel moment. Et moi, quand j'étais jeune, je me disais, putain, il y a un truc qui ne va pas avec le monde, il faudrait... manger plus de carottes ou des graines, j'en sais rien, mais... Et en fait, les solutions, elles sont là. Elles sont partout autour de nous, et il faut être plus rusé que le renard, je le redis. Et il y a des... T'as l'impression d'être plus rusé que le renard ? Ouais. Plus rusé que quoi, alors ? C'est quoi, alors, ton... Qu'est-ce qui est plus rusé que le renard ? Nous, les êtres humains. Ah ouais, tu crois ça? Ouais, je pense qu'on peut nous mettre dans une boîte, mais que le révolutionnaire, il s'enterrera jamais. Il ne mourra jamais. Et qu'on pourra arrêter toutes les révolutions, mais l'idée sera toujours là. Et par ça, je voulais parler de tous les réseaux que j'ai pu avoir accès, parce que c'était gratuit. Là, par exemple, l'Université du Nou, qui propose en fait des outils de gouvernance partagée. T'as l'Université populaire de permaculture qui t'apprend comment vivre en autonomie. Et t'as le woofing qui te permet aussi de mettre en pratique. Et donc, toutes les solutions sont déjà là. Mais oui, mais c'est ça. Mais c'est ça que je disais. Mais peut-être que comme vous, vous êtes plus jeune, alors peut-être vous découvrez la chose. Mais voilà. Donc, tout est là. C'est qu'il n'y a pas de volonté de changer les choses. Alors comment changer les choses ? On se rend compte qu'on est partie intégrante de la nature. Hier, je dormais dans mon hamac. Et en fait, je me rendais compte que l'autoroute à côté, elle m'emmerdait. Je me disais, mais les animaux autour de moi, mais ils doivent devenir fous avec ce bruit-là. Ils sont partis. Et ça m'a fait du bien de dormir dehors. Et je pense qu'il faut inviter de plus en plus de monde à vivre avec la nature, mais pas que ce soit simplement les bobos écolos qui ont l'accès à ces formations hyper chères, mais plus continuer à être de mettre en place encore plus de gratuité et donner tout son cœur et avoir comme seul but l'amour inconditionnel. Parce que ça, c'est la plus grande des richesses. L'amour. Pourquoi ? C'est l'amour ! Bon, merci à tous. Quelqu'un a envie de rajouter quelque chose ? Ça va ? Oui. T'as pas parlé beaucoup, hein ? Bah, ça va, j'ai dit ce que j'avais à dire. Ok. Bah, du coup, là, je vais juste finir avec un petit truc léger, mais qui m'obsède un peu. C'était une réflexion que j'ai eue dernièrement. C'était, les gars, sortez, regardez le ciel. Parce que moi, dans ma vie, j'ai rarement vu un ciel tout bleu, sans ligne d'avion. Et depuis que je suis là, j'ai vu deux lignes d'avion. Et je me suis dit, mais putain, en fait, j'ai jamais vu le ciel à son état naturel. Et ça m'a quand même un peu... obsédée, cette question de waouh, là il y a encore des avions, hein, bien sûr, mais beaucoup moins. Et juste ça, en fait, c'est quand même quelque chose, quoi. C'est vrai, mais moi je vois pas vraiment la différence. Hein. C'est vrai? Ouais. Ah, si. Par contre, je pense dans le fait de sentir l'odeur, ça oui, il y a quelque chose qui se passe au niveau des odeurs, comme il y a moins de bagnoles, j'ai l'impression que la nature, du coup, elle peut plus s'exprimer, quoi. Ça peut être. Mais les avions, c'est haut, c'est loin. Ça a une influence sur ta... Non, mais juste de plus voir les lignes blanches partout, c'était juste la réflexion de me dire, waouh, j'ai jamais vu un ciel à son état naturel, sans perturbation, même si là, il y en a, évidemment. Mais juste qu'il y en a moins, ben, ça m'a fait juste un choc de me dire, waouh, je connais pas la planète telle qu'elle. Et bon, je la connaîtrai jamais, parce qu'on est là depuis longtemps. Oui, oui, oui. On est là depuis longtemps, tu veux dire, la nature est là avant nous, hein. Oui, bien sûr, mais je veux dire, les humains, on l'a impacté depuis longtemps, donc je ne la verrai plus vraiment à son état actuel dans ma vie, sans doute. Ouais, on ne sait pas ce qui peut se passer. Hein. Non, je ne serai plus là. Vive l'amour, oui. Vive la révolution. Révolution, l'amour.